Merci beaucoup. Ah, Babylone, trop d'argent est brassé autour de nous. On a fait une petite chanson contre ça. C'est négatif, great.